Depuis l'enfance, je suis toujours en partance. Je vis contre le cours de ma vie. Partir, on a toujours un bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Même pas pour aller chercher fortune. Oh, partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. Et les gens, l'argent serait du vent. Pas à